riche, c'est profond, insondable. Oh, alléluia, et l'amour divin, cet amour, amour rédempteur, c'est riche, c'est riche, c'est profond, amour insondable, chantons pour Dieu et l'amour divin, oh amour, amour, oh oui, pour moi, pour moi. D'être vivant parmi les vivants sur la terre, de nous lever, de marcher, de parler, d'écouter, de toucher, de réagir, de comprendre, tout vient de toi. Pour ça, nous t'adorons, nous te glorifions, Alors, vous ne ferez rien pour rien. Quand vous gardez ici, pour un but. Pour ta volonté. Pour ta gloire. Nous sommes ici pour te servir. Pour t'écouter. Pour t'obéir. Pour t'adorer. Et pour apprendre tout ce que tu veux mettre à nous. Et aussi recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous ouvrons large nos cœurs, disposés à collaborer, à communier et à nous élever, à progresser. Qu'il en soit ici pour chacun. De ceux qui ont tari, soient arrosés à nouveau. De ceux qui ont faibli, soient fortifiés au Seigneur. Et ceux qui sont malades, soient guéris puissamment. Alors en toi, il y a tout Seigneur. Qui a un besoin pressant. Et pas oublier. Il trouve solution. Seigneur. Car tu es Jéhovah Jireh. Dieu qui pourvoit ton nom. Lève-toi au milieu de ton peuple. Prends les grands chulots. Dieu qui possède toutes choses. Le propriétaire de tout l'univers. Prends le contrôle de la situation. Et que chacun puisse se retrouver vraiment. Il leur donne satisfaction. Croyons que tu es vivant et fidèle pour répondre. Car ta promesse te l'a dit. Tout ce que vous demanderez en priant, par la foi, vous le recevrez. Père céleste, rends-nous forts et que l'ennemi soit plus faible. Affaiblis notre ennemi. Affaiblis chaque démon. Affaiblis chaque péché, affaiblis chaque iniquité, et que notre chemin, ta gloire rayonne. Nous prions avec foi, convaincus que tu es ici, fidèle à ta parole, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Nous allons lire la sainte parole de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 4, le verset 1er, il est écrit ici, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir si ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Malingami, bondima melimo ya sote, kasi bomeka melimo soko meuti na zambe. Pote basakoli na loputa mingi basili kubima kati na makili. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 32. C'est écrit encore ici. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Apocalypse chapitre 22. Il est écrit ici. Apocalypse 22. Verset 6 à 9. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. Amen. Amen. Tala, napoya noki, esengona oyo, apotosaka maloba na kosakola na mutanda oyo. Na Yohane, moto, ayoka kimpe, amona ki makambo oyo. Wana ayoka kingai mpe, amona kingai, na kwei kosambe la liboso na mapolo na mwanje oyo, atali singai makambo oyo. Awagina ngaye tutika, ngaye na jali mombo, moninga na yo, mpe, yabandeko na yo basakoli. na bango batosaka malobana mapanda oyo sambela zambe. Adieu bénisse la lecture de sa parole. Bonsoir maintenant. Et nous souhaitons à chacun de vous bienvenue à la table du Seigneur. L'amour de Dieu, notre Père Céleste. Recevez chacun la bénédiction. Au nom du Seigneur, parce que vous venez de lire la parole. Il a dit heureux celui qui lit. Et ceux qui entendent les paroles de la prophétie, aussitôt que nous venons de le faire là, vous êtes bénis. Papa, fais comme ça. Vous êtes bénis. Parce que vous l'avez fait. Et Dieu est fidèle. Dieu, il est fidèle. Alors nous poursuivons notre thème. Comment éprouver un ministre de la parole. Alors vendredi dernier, nous avions pensé parler un peu de discerner les esprits prophétiques. Mais l'Esprit nous a conduits autrement. Parce que Dieu est souverain. Il nous a menés vraiment encore ailleurs. Mais c'était quand même quelque chose qui avait trait au discernement. Et nous avons appris la nécessité de discerner l'Esprit qui est dans l'homme. Et chacun de nous doit avoir un discernement spirituel. Il est vrai qu'il existe un don. Quand on dit un don, ça veut dire que tout le monde ne l'a pas. Mais la faculté, cette grâce de discernement, l'esprit qu'il y a dans l'homme, ça c'est un devoir chrétien. Si quelqu'un en manque, qu'il aille auprès de Dieu, demander cela. Et ça va de pair avec la sagesse spirituelle. Il existe un don de parole de sagesse. Mais ça c'est en tant que don. Et quand on dit un don, c'est une manifestation particulière. Chacun de nous doit avoir la sagesse. Que cela ne soit les dons de sagesse. La Bible dit même que si quelqu'un d'entre vous manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. Donc, il n'est pas correct d'avoir un soi-disant chrétien, mais s'il n'a pas de sagesse. Chaque chrétien doit avoir la sagesse. Jacques 1, verset 5. Donc le verset 4 et 5. Donc, si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande. C'est une recommandation. Ne vous permettez pas de vivre sans sagesse. Mais il existe aussi un don de sagesse. Et si Dieu vous donne un peu de sagesse, ne considérez pas ce que c'est le don. Dites la grâce que Dieu me fait. Vous devez la voir. Et si Dieu vous donne cette sagesse, dans les proverbes 8, le verset 12, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Bon, Mayele, c'est l'intelligence. Mais ici, sagesse, c'est Boanya en lingala. Bon, là, vous l'avez lu, Ngaï Mayele, c'est Ngaï Boanya. Voilà, la bonne pensée. Voilà, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Donc, si Dieu te donne la sagesse, comme il est recommandé à tout chrétien d'avoir la sagesse, ne fût-ce qu'un minimum de sagesse, le basique doit être là. Alors cette sagesse a pour demeure le discernement. On ne peut pas dire que Dieu m'a fait grâce d'être sage et manquer le discernement élémentaire. Chaque chrétien est censé posséder. Mes chers amis, ayons cela. Si il vous a manqué, la Bible vous donne faire d'aller demander à Dieu le sage des sages. le donateur de sagesse, et qu'il vous la donne. Il vous la donnera simplement parce que lui, Dieu donne à tous dans la simplicité. Par la simplicité, Dieu donne à tous. Quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouvera. Et on ouvrira à celui qui frappe. C'est un principe divin. Jésus l'a édicté et il ne peut pas le renier aujourd'hui. C'est sa parole qui demeure jusqu'à présent. Si Dieu vous fait grâce et vous donne un peu de sagesse, sachez que la sagesse qui vient de Dieu est là pour demeure, est là pour lieu de demeure, est là pour siège de discernement. Savoir discerner. Alors, dans 1 Jean 4, verset 1, bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits. Comment saurez-vous le faire sans la sagesse? Sans le discernement élémentaire. Il faut que cela soit donné à chaque enfant. Tout chrétien, ne croisez pas les bras, laissez les genoux. Appelez le Seigneur au secours, et il vous donne la sagesse qui vous manque. Et que cela se manifeste avec ce discernement que la Bible donne. Ici, dans Apocalypse 22, la parole de Dieu dit une chose. Oh, mes chers amis, mais avant d'aller là, j'ai évoqué tantôt 1 Jean 4. Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Oh miséricorde. Si je lis ici dans les sermons la démonologie, domaine religieux, prêché le 9 juin 1953. Le paragraphe 197. Et ceci et ici, ils sont influencés et nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, une catégorie de gens. Bon, là c'est une conséquence d'un commentaire qui précède. Mais j'amène ici. J'en viens ici. Et le diable a ses prophètes. Et Dieu a les siens. Le diable a ses prophètes. Et Dieu a les siens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'influence. Et vous voilà parti. Arrêtez-vous pour faire la distinction. Le diable a ses prophètes. Dieu aussi a ses prophètes. Et cela craigne de l'influence. Chaque groupe est influencé et influence à son groupe. Le groupe appelé les prophètes de Dieu est influencé par l'Esprit de Dieu. Et ce groupe-là influence aussi des gens qui les écoutent. Et le groupe appelé prophètes de Satan, ce groupe-là aussi est influencé par des esprits de démons qui sont dans les milieux obscurs. Et ce groupe à son tour influence aussi les gens qui les écoutent. Alors, William Branham vous dit, arrêtez-vous pour faire la distinction. Qui dit amen? Quand nous prenons 2 Corinthiens chapitre 11, Abraham ne raconte pas des histoires, mais il nous enseigne la parole. Dans 1 Corinthiens 11, il est dit ceci. L'on dit au verset 14 et 15. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et il n'est donc pas étrange que ces ministres, donc les ministres de Satan, il en possède la Bible en face. Il en possède, il a ses ministres. Donc il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Bongo ezali likambo monene mpe soko basali na ye bakomi monisa lokola basali na boyenge bene suka na bango ekozala pela moko na misala na bango. C'est amen. Ezali bongo. C'est vraiment amen. Ezali mpenza bongo. Dans 1 Timothée chapitre 6, on dit ceci, au verset 20, 21, Timothée était un ministre de qui? De Satan ou de Christ? C'était de Jésus-Christ ou de Satan? Ministre de Jésus-Christ. Au verset 21. Ok. C'était dit. C'était dit d'ailleurs aussi, si il faut rappeler, on écrit toujours, verset 6. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Soko okotia malako oyo liboso na bandeko, okozala mosungi malamu na Kristo Yesu. Awa epo milala yo maloba na pondima mpe mateo malamu masili yo koyamba yango. Quand vous répondez que Timothée était ministre de Jésus-Christ, vous répondez vrai. Vous dites vrai, la Bible le dit textuellement. Elle lui dit là, en exposant ce chose frère, toi Timothée, tu seras non pas un mauvais ministre, mais un bon ministre. Un bon ministre. C'est Jésus-Christ. Nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Nous continuons à dire amen. Et ici, dans 2 Timothée 4, il est dit ceci, au verset 5, mais toi Timothée, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Amen. Timothée avait donc un ministère reconnu par la parole de Jésus, reconnu par l'évangile. Et Timothée était un bon ministre. Il avait un ministère et il était un bon ministre de Jésus-Christ. Satan possède ses ministres et il le contrôle, il les influence. Dieu aussi possède ses ministres. Il le contrôle, il les influence. Et vous, arrêtez-vous pour faire la distinction. Ne soyez jamais dans la confusion. Il faut que vous soyez éclairés. Que vous soyez fixés. Que vous discerniez quel esprit est à vous. De Dieu ou de Satan. C'est là c'est un exercice obligatoire. Sans quoi tu seras la proie de la séduction. Tu seras emporté en enfer sans le vouloir. Malgré toi. Alors, c'est Timothée qui avait un ministère. et qui était un bon ministre de Jésus-Christ, qui a suivi la bonne doctrine très exactement, qui était nourri de bonnes paroles du Dieu vivant. C'est ce Timothée-là à qui Paul écrit à ça. Ici, dans 1 Timothée chapitre 6, le verset 20 et 21. Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Na pamba pe kuwela na yango ebiangami kombo na lokuta ete boyebe. D'autres professions, quelques-uns, qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Bamosusu basakoli yango nde bapengu na kondima ngolu ezala na yo. Voilà, bien-aimé. Voilà, balinga me. Timothée avait un ministère. Ministère confirmé par la parole. Par la parole dit qu'il devait bien exercer son ministère. Il en avait un, c'était un ministre de Jésus-Christ. Pas du diable, pas les patrons. Mais un ministre de Jésus-Christ. Nourri de bonnes paroles de la vraie parole. Et il avait suivi la bonne doctrine. Pas la fausse doctrine. La bonne doctrine. Il l'a suivi avec exactitude. Enseigné avec précision. Par un homme mandaté de Dieu. Que Dieu avait établi ministre lui-même. Qui était cet homme? Paul. Était-il devenu ministre par son choix? Jésus-Christ lui est apparu en personne. L'a appelé, l'a commissionné, il a dit, je te suis apparu. Pour t'établir témoin, un ministre, c'est Jésus-Christ qui a fait de Paul ministre. Et Paul est allé enseigner Timothée. Et Timothée a suivi la bonne doctrine. Avec exactitude, il était nourri de bonnes paroles, pas de libération, pas de toutes sortes de doctrines, mais la bonne doctrine qui était portée par un homme établi ministre. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Si Timothée lui-même est devenu ministre, c'est le même Jésus-Christ qui avait fait de son mentor ministre, qui a fait aussi de lui Timothée ministre. Parce que si ce n'était pas le cas, Paul ne pouvait pas appeler Timothée ministre de Jésus-Christ. Lui, Paul savait comment il est devenu ministre. Il ne pouvait pas prendre de son titre, hein, à donner à n'importe qui, parce que celui-là voudrait être ministre. Il savait que si lui est devenu ministre, c'est Jésus-Christ qui lui est établi ministre. Et il est établi ministre. Et il connaissait l'appel de Timothée. C'est le même Jésus qui l'a appelé. C'est le même qui a appelé Timothée. Il a fait de mon ministre, c'est lui Jésus-Christ. Il fait aussi de lui, ministre de Jésus. Paul n'est pas devenu ministre par la volonté des hommes. Ce n'était pas le choix, le goût des hommes. Mais c'était la précision de Dieu. Qui dit amen? Galates chapitre 1. Verset 1. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, et Dieu le Père, qui l'a ressuscité de mort. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, le titre d'apôtre, il l'a reçu de Jésus-Christ, de Dieu le Père, qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Amen. Amen. Amen. Et pour vous de ceux qui croient absolument la vérité, Oh, mes chers amis, il faut croire et comprendre ces choses-là. Colossiens chapitre 1. Il dit ceci. Le verset 21 à 23. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans les corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins, vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Paul ne dit pas que je me suis fait ministre. Ou que Jésus est devenu ministre. Mais Paul dit que j'ai été fait ministre. Il était apôtre. Il n'était pas de la part des hommes. Mais il a été fait ministre. Il a été fait apôtre. Par celui qui a tout pouvoir dans les cieux. Celui dont la parole est irrévocable. Dont les décisions sont inémédiables. Le Dieu créateur Jéhovah de l'Israël. C'est lui qui a fait des choses de femme. Ministre. Pensez-vous que ce titre, on pouvait le distribuer comme des cacahuètes? Un homme qui avait la révélation intelligente. Très honnête. Toi, tu es ministre de Jésus. Vous allez dire qu'il va se quoi? Qu'est-ce que Jésus est? Lui qui établit des ministres. A dit qu'il y a son âge. Qui est ministre? Ce n'est pas des cacahuètes qu'on peut faire. Ce ne sont pas mes sapons et les libertins. Ici, c'est le plan de Dieu. Il est le chef suprême de son église. Il y met qui il veut à la place qu'il veut. Que celui qui a la foi dise amen. Dieu est un Dieu d'ordre. Celui qui donne les titres. Nous donnons la foi comme des frères. Il y a déjà une grâce de tes frères. Mais si le Seigneur juge bon de te donner un titre plus qu'un frère, laisse que cela vienne de lui. Ça ne vient pas des hommes. Alors les hommes sont faillibles. Le seul était faillible. Les hommes sont changeants. Comme des amibes. Comme les amibes. Vous avez déjà entendu le mot amibe. Ça vient du grec amoibos. Ça veut dire être changeant. Parce que Kokani n'a pas son. Eh, amibe, les bons mots sont amibe, mais là, boye, eh, banzeta manga, bani, des histoires. Amoibos, un être changeant. Une petite créature changeante. Elle change de forme, il peut s'enquister, il peut se cacher. Elle n'a plus une forme de agressive. Parfois, elle va se cacher dans une forme. Amibe. Nous les humains, nous sommes pareils à ça. Nous sommes très changeants et décevants. Ne vous appuyez pas sur les qualifications de Dieu. Les qualifications doivent venir de Dieu le Père. Comme Paul l'a été. Comme Timothée l'a été. Dans Jean au chapitre 5e, il est écrit dans l'évangile éternel. Cette parole de vérité ne changera pas. parables, vous le savez. Et Jésus dit ceci, Jean chapitre 5, il dit ceci précisément, au verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul? Bokoki kondima na nzela nini awa ezali bino koyambanaka lokumu kati na bino mpenza nde bozali koluka lokumu liwuti na nzambe moko te. Un vrai croyant de Jésus-Christ ne doit pas tirer sa gloire des hommes, appuyer sur les dires des hommes et se prévaloir de ce que disent les hommes. Toute parole d'homme est mensonge. Un vrai croyant de Jésus-Christ, dont la foi est à la bonne place, doit chercher sa gloire de Dieu seul. Jésus-Christ, notre divin modèle, n'a pas cherché la gloire venant des hommes. Il a cherché la gloire qui vient du Père. Que toi qui as la foi, tu dis amen. Jean 17. Même sa prière atteste. Il dit ceci. Oh là là. Verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton fils, afin que ton fils te glorifie. Voyez-vous à qui il demande la gloire? À qui est-ce qu'il demande d'être glorifié? Ce n'est pas l'église, ce n'est pas le groupe. Même pas auprès de ses disciples. Même pas ses propres proches. Et il adresse la demande à Dieu le Père. Verset 5. Et maintenant, toi Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Et il se reconnaissait lui-même comme étant un élu du Père. Et élu de Dieu le Père. Pour la mission et la fonction qu'il devait accomplir. Pour la nature et l'identité qu'il devait manifester. Il était prédestiné. Il savait qu'il n'est pas le fruit du hasard. Il n'est pas sur terre par accident. Mais il y a un Dieu qui l'a placé. Toi aussi frère, et toi aussi sœur, arrête d'errer dans tes pensées. Arrête les vagabondages intellectuels et reviens à ton père, ton Dieu. Il y a un être qui te donne le souffle de vie. Il y a un Dieu qui te donne. Il n'est pas sur terre par hasard, même pas par un concours de circonstances. Mais il y a un Dieu créateur. Il t'a fait et t'a placé. Et tu auras de compte à lui rendre un jour. Qui dit amen? Jésus-Christ est notre divin modèle. Il était prédestiné. Comme agneau. Il devait accomplir cette tâche. Il devait manifester cette nature d'agneau. Car il savait en lui-même qu'avant la fondation du monde, le Père éternel l'avait prédestiné au sein de lui-même pour être la manifestation de l'homme. Quand le temps est arrivé, il faut s'exécuter. Votre gloire ne doit pas venir des hommes. Votre gloire doit venir de Dieu. Dans Jean chapitre 12, la parole nous dit ceci. Oh mes chers amis, Jean chapitre 12, comme Dieu est parfait, il s'est passé quelque chose. Oh, mais nous aimerions vraiment saisir et pouvoir nous conformer à ce qui est de notre. Écoutez ce qui s'est passé. Jean 12, verset 28. Glorifie ton nom. Verset 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là, et qui avait entendu disait que c'était un coup de tonnerre. Et d'autres disaient, un ange lui a parlé. Et Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait encore. C'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Même si les hommes les rejetaient, méprisaient et abandonnaient les hommes, il n'avait ni beauté ni éclat pour m'attirer notre son aspect n'avait rien pour nous plaire. Semblable à celui dont on détourne le visage. Homme de douleur habitué à la souffrance. Mais il demande sa gloire du Père Céleste. À celui qui l'a prédestiné pour jouer ce rôle. Et le Père a réagi. Et le Père a glorifié. Êtes-vous d'accord que la parole de Dieu est infaillible? Comprenez mes chers amis et ne cédez pas à la tromperie. Oh, c'est vrai. Nous descendons plus bas. Au verset 42 et 43. Pendant, même parmi les chefs, plusieurs crient en lui. Mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu. Par la crainte d'être exclu de la synagogue. Atabongo mingi katina mikolo bandimaki ye kasi mpona bafarisayo bamonaki tete bamibimisa na eyangelo te. Car écoutez leur faiblesse, leur grand défaut, comme c'est le défaut de certains théologiens. Il génère la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Moi, ne commets pas cette bêtise. Quand on parle du mal de toi à l'église, n'existe pas l'église pour ça. Est-ce que quand le membre d'église parle du mal de toi, toi tu viens à l'église pour les membres d'église, pour les gens, pour les gens vivants. Dieu est ce que sa parole dit, c'est ce qui doit compter. Frère, soeur, bouche les oreilles, vous levez là. Des parleurs qui vont dire du mal, il y en aura toujours pas. Quelqu'un a dit, tu ne peux pas empêcher aux gens de te critiquer. Mais au moins, tu peux t'empêcher de les écouter. Ok, Ndekukana, tu as estimé dans mon nom, pour battre la réalité. Ok, kokokate. Tu y es charnel. Tu ne sauras pas empêcher aux gens de se critiquer. Mais tu peux t'empêcher toi-même de les écouter. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit nous dit. Mes oreilles, je vais écouter Jésus de mes oreilles. Matoye, nangai, nakoyoka. Yes, mokonze, matoye, nangai, nakoyoka. Et toi, au lieu de ça, vous voyez ma bongo en église pour tout le monde au Yemi, mais dans la vie, là-bas à la maison, au couloir, sur les abris, matoyi nangai, nokoyoka, batongi nangai. Yayo matoyi, et belemi, et bendani moulaï, nous voulons nitoyer moi. Moulaï, Beko yoki kaka kombo na yo. Ubeni komi nukoni tuwa mwa. Tala mula yawa. Ulingo yoka detay yoso. Même des choses qui te feront mal. Si Jésus s'était mis à suivre ce que les gens disaient de lui, mais il aurait fait ça pour Dieu. Mais le fils ne peut rien faire de lui-même, mais il ne faisait que ce qu'il voyait faire. Il a montré que son attention n'était pas sur les gens. Au point même que, pour savoir ce que les autres disaient de lui, il est allé poser une question à ses propres disciples. C'est-à-dire, « Yekuna azaki nangotinate » Atoni, bon, binonde bokende ke botambola ka tambola ka boyoka ka yoka ka. Mesara boyoka. Ke dise les gens à mon sujet. Ba kwa dalle koloba nini na tina langaye. Donc lui-même là n'avait pas le temps. Ye moko za langa tango. De écouter ne fût-ce que 5 minutes. Ko yoka ta minute mi tango. Le sacrificateur ka ifa di. Ni nganga ka ifa sili koloba. Ule lo Herod avec les séposés. Herod na ba ba ba. Ole ke mi sanedre la ba se ni. Kondia. Il n'était pas là. Ko kala ki funa ke. Atoni bango ba moko ba lobe boyo. Ba siko bon, bino siko bino mo. Bino wo lo bino. Voyez là où il a changé la question. Il ne s'est pas attardé sur leur réponse. Mais il est vite passé à l'autre question. Et il est venu insister là où le Père a donné la révélation. Et c'est là qu'il a commencé à donner les promesses à Pierre. Qui est Pierre? Sur cette pierre, je passerai en église. Et le porte de séjour de mort, les prévaudrons pour le côté. Êtes-vous là? Lorsqu'ils ont donné des réponses, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, tu es Élie. Jésus a-t-il commenté la réponse? Il est passé. Les dires des gens. Il n'a rien commenté. Il est passé. Et vous? Et quand un répond, et que l'autre a répondu par révélation, voilà où Jésus, Satan, il commence à déverser de bonnes promesses. Voilà ce que doit vous intéresser. C'est la révélation du Père. La révélation de la divinité. La révélation de la parole. C'est cela qui doit maintenir votre attention. Plus que la gloire de Dieu. Et pourtant Jésus s'est écrié. Verset 44, Jean 14 et Jean 12. Hein. Or Jésus s'était écrié, celui qui croit à moi, croit non pas à moi, mais à celui qui m'a envoyé. Et verset 45, et celui qui me voit, voir celui qui m'a envoyé. Et même parmi les justes, il y a eu des gens qui ont cru. Satan n'a-t-il pas aussi ses synagogues? Aussi vrai qu'il a ses ministres. N'a-t-il pas ses synagogues à lui? Mais quelqu'un perdez-vous d'être excommunié de la synagogue de Satan? Vous êtes là-bas? Paul a dit, il faut résister. Les discussions folles, les disputes de la fausse science, des gens qui ont une science mélangée, des évangiles hybrides, L'église doit être entraînée par la parole pure. Votre foi doit être nourrie de bonnes paroles de Jésus. Uniquement ça. Mais vous n'allez pas entrer dans des discussions fausses jusqu'à aller chercher à trouver, à renier les angles avec des gens qui sont des faussaires. Ils ne donnent pas le même sérieux à la parole que vous. Avec n'importe quoi. Et vous perdez votre profession. Le gouvernement m'a dit que l'évangile n'a pas été donné pour être discuté. Pas pour des disputes. L'évangile a été donné pour être pratiqué. Si quelqu'un veut vous amener pour une discussion, faites attention avec cet esprit. L'esprit de Dieu ne vient pas pour des disputes. Il vient pour la vie de la parole. Nous n'avons pas du temps à perdre dans des discussions sérieuses. Avec les gens qui entendent tout, qui mélangent tout, qui ne maîtrisent rien, qui touchent à tout et à rien même pas. Éloignez-vous de ces gens-là. Mais invoquez le Seigneur. Éloignez-vous de ces gens-là. Mais invoquez le Seigneur. Avec ceux qui ont la même foi qu'il y a. Ils ont le même respect envers la parole. Et vous échangerez dans une communion plus sereine. Croyez à celui que Dieu a envoyé. Ne cherchez pas la gloire qui vient des hommes. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a montré que lui ne pouvait pas se comparer à des gens charnels qui se recommandent eux-mêmes ou qui cherchent des approbations de la part des hommes. Il dit mais non, ça c'est pas notre rang, c'est pas notre vie, c'est pas notre genre. Hein? Nous avons besoin de la recommandation qui vient du Seigneur. Corinthiens chapitre 10e. Oh mes chers amis. Verset 17 et 18. Et celui qui se glorifie dans le Seigneur. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. Mais c'est celui que le Seigneur recommande. Amen. Tu ne peux pas te donner du verre-titre à volonté. Je suis l'apôtre, je suis l'évangéliste. Je suis le prophète des nations. Je suis l'évangéliste des disciples. Est-ce que c'est Dieu qui a dit de toi que tu es là? Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui sera approuvé. Et nous, l'église de Dieu, nous n'avons pas du temps à perdre pour essayer d'approuver quelqu'un qui se recommande lui-même. L'église ne peut pas approuver ça. Nous disons, si l'homme dit quelque chose de lui-même, nous demandons, qu'est-ce que Dieu dit aussi de lui? Qu'est-ce que le Seigneur a dit à son sujet? Qu'est-ce que le Seigneur lui a dit à son sujet? Si on n'a pas la réponse à ça, alors nous tournons encore à vie. Dieu nous aide à être des croyants fermes. Ayant une position et sachant ce qu'il croit, sachant ce qu'il défend, gardez le dépôt de la parole. Comme c'est dit pour Timothée, vous aussi gardez le dépôt de la parole. Ne l'hybridez pas. Ne la mélangez pas quoi que ce soit. Gardez la parole dans sa pureté. Corinthiens 10, verset 12, nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leur propre mesure et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Il faut que l'idée soit commise, mais qu'on a un peu bakomi kumisaka bango penza nde awa ezali bango komi pima na bango penza mpe komi meka bobele kati na bango moko Bajangi Mayele. Ils n'ont ni discernement, ni sagesse, ni intelligence. Pour commencer, ils se recommandent eux-mêmes. Ils se donnent le titre comme ils peuvent. C'est faux et archi-faux. Demandez votre gloire à Dieu seul. Laisse que lui vous glorifie. Et là, vous saurez que l'esprit chrétien traite avec vous. Jésus-Christ lui-même n'a pas cherché la gloire qui venait des hommes. Ni la gloire qui venait de lui-même. Il ne peut pas se glorifier lui-même. Ça signifie que le Père ne lui a pas donné. Jésus-Christ n'était pas comme ça. Jésus-Christ il était doux et humble de cœur. Il a obéi en toutes choses. Le Père Céleste jusqu'à la mort. Suivez cet exemple-là. Soyez les imitateurs de Jésus-Christ. Avant d'être prédicateur ministre, soyez d'abord un vrai chrétien. Voyez-vous l'esprit qui ressemble à Christ. On ne cherche pas une gloire personnelle. On ne cherche pas que les hommes vous applaudissent. Que les hommes disent que vous êtes les grands ceci, les grands cela. À quoi ça sert tout ça? Pendant que votre Jésus est humilié, et vous cherchez une couronne de gloire, Jésus est parti d'ici avec une couronne de pieds sur la tête, et s'habille en public. Et ça, préférez que vous choisissez, vous venez réclamer le sonneur au Père et au Dieu. Oh, vous humiliez-vous et Dieu vous élèvera lui-même. Comme il est écrit, humiliez-vous sous sa main puissante. Lui-même vous élèvera au temps convenable. A-t-il la parole pour dire amen? Moi je crois à ça. Alors nous chrétiens, nous serviteurs de Dieu, sachant que nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Nous n'osons pas nous égaler. Même pas nous comparer à ceux qui se recommandent eux-mêmes. Et qui se mesurent par leurs propres critères. Ils sont convaincus d'être dans les bons, d'être dans les vrais. Ils font n'importe quoi au nom de Dieu, au nom de l'Église. Toi, chrétien, ne perds pas ton temps à vouloir te comparer à ces gens-là. Te justifier auprès de Dieu pour t'égaler à l'impression. Ils n'ont ni intelligence, ni sagesse, ni sagesse. Éloignez-vous d'eux. Retirez-vous en brousse. Retirez-vous dans le secret de votre chambre. Invoquez votre Dieu dans l'humilité. Lui-même vous élèvera au temps convenable. Veux-tu être un chrétien? Ce qu'on fera pour l'âme dit, mais je m'ennuie. Aujourd'hui, quand vous venez demander à quelqu'un, est-ce que vous entendez la réponse aussi catholique? Vous allez ouvrir de l'autre, est-ce chrétien? Oh, je suis un protestant. Êtes-vous un chrétien? Je suis un baptiste. Êtes-vous un chrétien? Non, j'appartiens aux assemblées de Dieu. Mais ce n'est pas ça la question que vous avez posée. On vous demande si vous êtes un chrétien. Je vais vous donner le nom de la dénomination. Vous devez répondre oui, non, soit oui, je suis chrétien, soit non, je ne suis pas chrétien. Vous demandez du bon chrétien, non, je suis guimagiste. Êtes-vous un chrétien? Je suis catholique 100%. Vous êtes romain. Il répond à la question posée. Tu parles pour ne rien dire. Vous allez pour le pour la question claire. Nous devons chercher à être des chrétiens. Chaque jour, comparons-nous à Jésus-Christ. Non pas à des gens qui se recommandent eux-mêmes. Ils sont devenus prophètes apôtres par l'air des vies. Par l'air d'ambition personnelle. Ne perds pas ton temps là-bas. Viens te comparer à Jésus-Christ. Il est le modèle parfait. Il est ton exemple absolu. C'est celui qu'il faut reproduire. C'est ton maître et ton Dieu. Est-ce que tu me crois mot à mot? Tu me crois mot à mot? Il est ton maître et ton Dieu. Cherche la gloire qui vient de lui. Cherche le positionnement qui vient de lui. Cherche l'ABC du bon. Mais tant que vous jugez à partir de l'appartenance à un groupe, vous allez commettre mon Satan possède de sa synagogue, Dieu aussi possède son église. Mais non, quand vous allez vous comparer, quand vous donnez le nom de la dénomination, qu'est-ce que cela rapporte? Parce que quand vous allez citer le nom de Christ, le Seigneur va trembler, perte de temps. Perte de temps. Le discernement que Dieu nous a donné, comme nous l'avons dit dans la série, nous avons lu dans les sermons le discernement de l'esprit. C'est là que nous avons lu vendredi. On a lu juste un extrait là-bas. Donc, à un paragraphe là. C'était le paragraphe 45, deuxième partie. J'aimerais enchaîner après cela. Oh, comme Dieu est bon. Et que sa manière de faire est parfaite. Nous le croyons et nous l'aimons comme cela. Vous aussi? Oh, c'est vrai. Le discernement de l'esprit. Saint Branham avait dit au paragraphe 45, la dernière partie, j'ai relu. Nous avons le discernement d'esprit pour discerner l'esprit qui est dans l'homme. Pour voir si c'est l'esprit de Dieu ou non. Qui dit encore amen à la vérité? C'est pour ça que le discernement nous est donné. Alors, je vais au paragraphe 11. Et je prendrai la, paragraphe 11, 12 et 16. Et discernement de l'esprit. Prêchez le 8 mars 1960. Paragraphe 11, 12 et 16. Maintenant nous avons, je crois que c'est une bonne chose pour nous, nous sommes prédicateurs ou ministres donc, de suivre notre ordre. Lorsque nous voyons dans le monde les choses telles que celles que nous voyons aujourd'hui, et nous avons reçu un ordre de Dieu, c'est de discerner les esprits, d'éprouver l'esprit. Vous vous rappelez l'ordre? Il est dans quel passage? Oui. Mais ça y est encore au tableau. Est-ce que tu peux encore balbutier pour ça? Ça y est encore au tableau. Premier verset là-bas. Écrit. 1 Jean 4 verset 1. C'est l'ordre. Éprouvez les esprits. Ok, nous prédicateurs, nous devons le faire. Les ministres doivent le faire. Les chrétiens, chaque chrétien doit le faire. Écoutez, je crois que c'est une très grande leçon pour l'église aujourd'hui. C'est d'éprouver l'esprit de toutes choses. Une grande leçon pour l'église d'aujourd'hui. Vous devez éprouver non seulement l'esprit qui est dans l'homme, mais éprouver l'esprit de toutes choses. Attends, peuple, et s'abonner dans la carte à Bilele. Hein? Le voit tout. Bilamba ou l'ataka. Hein? Religion qui t'indi. Et tout ça. Tu dois éprouver l'esprit de toutes choses. C'est aussi un esprit. Il a le molimo. Calaza, il m'a monté. Mais depuis un moment, à combien de temps vous avez fait? Ça l'a fait mon toit, l'iboma. Certains gestes qu'il affiche. Bah, au travail, il n'a pas ça. Les démons prennent son contrôle. Dans le vide. pamba na pamba mobile boye. Vous devez trouver ce livre. Quel est cet esprit qui nous fait faire ça? Vous allez vous dire que ça, c'est ça. Il y avait un fou qui me croisait souvent sur le chemin à Matadi. Madame qui mène vers le stade de Lumumba là-bas. On se croisait souvent dans la même zone. Chaque fois qu'il me regardait, il me voit. Et dès que je passe, je les regarde, il a fait. Lundi, il fait ça. Mardi, il fait ça. Et dès que je passe, avec ça, c'est normal. Mais là, on doit éprouver. C'est quel esprit qui nous fait faire ça? Nous avons réussi l'ordre d'éprouver l'esprit. Un jour, je passais, je débarquais à l'hôpital Saint-Luc. Je voyais seulement les hommes changer de direction. L'homme puissant de dire, je partais au stage de médecine, à l'entrée du dispensaire central, pratiquement en face de la maison où on logeait des sœurs, des frères, les sœurs étaient en face de l'autre côté. Si je venais calmement, je n'ai pas attiré l'attention, donc il allait dire quelque chose. J'ai vu les gens fuir et les autres rigoler. Alors, je commençais à passer. Je vois aussi, elle est à ma gauche là. Je vois traverser. Je vois dire, d'elle-même, hein. Elle a juste crié, Nayope. Après, Bassali Nazambe, Balumière. Maintenant, tout le monde là me regardait. Moi, je crois. Je suis rentré. Je suis rentré au prostrat pour voir. Un homme est passé. Attaquez les sources. Allez, suis. Awa, il faut te banger Nazambe. Toi qui penses que tu es spécial, tu es frère, tu es soeur, tu risques d'être humilié. C'est comme ces gens-là de l'église de Bima. Il y a les Bima Moussapi et les Bima Moussoir. C'est les démons par le Moussoir blanc. Et notre, ils sont divisés. Et les autres, ils d'elle est allée avec le mouchoir. Pourquoi on va quitter la Il y a le à son onction, il y a mouchoir, il y a un tournez. Le fou a éclaté de rire, on s'éclate. False religion. Même Moutou Aliboma le belier anglais. Religion le kouta. Le mawa. Ça c'est le fou. Voilà Moutou Aliboma. Je continue à faire semblant des histoires. Et là, ça vient. Bien ma lobby. Koseka ya Moutou Koyina Belo. Asali moi son. A bendani na yela ke dans les pattes. Soni son. Yona ke. Mais il faut délivrer Moutou Aliboma. Avec son mouchoir blanc. À Poitiers, false religion. Même Moutou Aliboma a reconnu que c'est la religion à l'Okuta. que Dieu nous aide. Non, merci. Allez, toi, toi, toi, et tu sur quand fou bas témoigner que toi tu es là-bas. Vous savez bien que mon talibon a contacté les gens là-bas solo et malamu. Non, mais tu vois donc qui m'a besoin de bon ma. Tu vois mon ami, c'est la wa nandé, comme les fous de Gadara. André dit quoi? Mais là où vous avez le vignes, ce type là c'était un manière qui va nous faire de quoi? Quand le fou a vu Jésus venir, il a couru de lui-même. Jésus n'a pas commencé à fuir. Il faut connaître ce qui s'est passé. Mais au lieu que ce soit ça, donc un chrétien fugitif en fuyant. Ou tu commences à faire semblant de discipline. Mais pendant que tu fais ça, on écoute à l'amour, pour détester. Il va faire semblant de s'éternuer. Je pense que l'onction sera maximale chez toi. Quand lui te discerne toi, mais toi tu n'es pas capable de discerner. Tu n'es pas le frère, comment t'as peiné? Mais toi qui chantais au Fougami de Kourous, la grâce là vient d'où? La peur des chansons par la peur, arrêtez! Vous avez Jésus, et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est en vous. Est-ce que l'église est dit amen? Est-ce que vous avez le bon mot? Yohan Ogenesu, pourquoi ça va m'a tout? Parce que mon moment, on l'a qui s'est au chrétien mon aîné. Au commun, on gagne à bagout. N'a qu'au yemba, pour prouver que tu n'as pas peur. C'est pas correct. Ils ont laissé un bouton. C'est pour Nambi. C'est quoi? Il craint qu'un fantôme lui apparaisse brusquement. Alors quand il arrive à cette zone là, il commence à siffler un chant. Mais c'est pour camoufler sa peur. La Bible dit que si quelqu'un parmi vous est dans la joie, qu'il chante le cant. Ne chantons pas pour camoufler la peur. Nous chantons pour manifester notre joie. C'est vrai, non? C'est ce qu'à l'église on doit chanter avec joie. Est-ce que nous sommes bon ça n'est pas? Nakoyemba nanzela comme ma bato kuna nayo kunusu non chante avec joie si quelqu'un est dans la joie nous chantons doivent exprimer la joie du Seigneur. On ne doit pas chanter comme si on nous force de chanter. Nous n'avons pas la volonté pour nous-mêmes de chanter. Soyez joyeux pour le Seigneur. Chantez ses louanges et sa gloire. Votre Dieu mérite cela. C'est amen. Voilà mes amis. Nous avons reçu l'ordre de discerner l'esprit de toute façon. Nous qui sommes tentés, sous le chocolat, sous le kaki, sous le kaki, sous le tout ça c'est quoi? Tu n'es pas fier de ce que Dieu a fait de toi. Vous allez se monter dans un sonny, Nayo. Il y a un esprit derrière ça. Nous sommes sur la table pour commencer à pousser son derrière. Comment les frères peuvent faire des choses comme ça? Même à l'église ce soir. Ce sont des esprits forts. On doit prêter parce que les esprits Amen. Mais vous n'avez pas la couleur, mon corps. Vous n'avez pas la couleur, vous n'avez pas la couleur. Il y a un esprit derrière ça. Tu veux corriger le Créateur. Je n'étais pas bien fait. Je n'ai pas bien fait. Je n'ai pas bien fait. Comme bon, ça, comparaître. Soyez na yo. Amen. David, comme nous, je te loue éternel, parce que tu m'as fait une créature qui m'éveille. Il est le Dieu de diversité. Maintenant que nous sommes comme un jardin de fleurs, il y a des fleurs violettes, il y a des bleus, il y a des roses, il y a des rouges, il y a des vertes, mais tout pour la gloire de Dieu. Pense pour un tempo dans Zambé. Ici dans le discernement de l'esprit, il dit que nous sommes tous des pierres taillées différentes. Pierres pour la gloire de Dieu. Tu dois refléter cet aspect de la gloire de Dieu. Restez tel que vous êtes. Amen. Ne soyez jamais complexés de votre apparence, de l'apparence de vos cheveux naturels. Laissez-les tranquilles. Oh, je parais très bizarre. Mais qui t'a dit que tu es bizarre? Je parais très bizarre. Quelqu'un t'a dit que tu es bizarre? Même s'il le disait, mais il est menteur. Dieu n'a pas dit que tu es bizarre. Avec ce cheveu-là, tu es une créature merveilleuse. Voilà la parole. D'après nous disons Amen. Voilà, la Bible dit vrai, tout homme ment. Dieu le dit à son nom, votre nom est allé me passer. Qualifié ou anabao kosayo. Ah, le bini mon zemba, hein? Ou bini, l'engue trop qui toque, hein? Menteur. Menteur, cet homme-là. La parole est tout un mensonge. Nous avons maintenant tombé le coutard. Yo tango yogi et salio saï n'a pas de boumou. On organise la émission vérité. La vérité, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Ce n'est pas les paroles de nom. Nous allons malheureux à mon côté. Ni bouchons par la parole, mais ça va t'amener où? Frères et sœurs, soyons sérieux. Donc, moi, c'est une des convaincus que nous avons. Tout le monde n'a pas de nanipo en été. Continue à réagir comme les oies. Ces petits garçons qui viennent vous tromper là, vous pensez qu'ils disent la vérité? Loin de là. Nous avons reçu l'ordre de discerner l'esprit de toutes choses, d'éprouver l'esprit de toutes choses, et avoir le discernement de l'esprit. C'est un autre discernement africain. Je pense que jamais, en aucun cas, nous ne devrions essayer de juger une personne par la dénomination à laquelle elle appartient. Ou par le groupe avec lequel elle se réunit. Qu'il s'agisse de méthodistes, de baptistes, de presbytériens, de pentecôtistes, ou d'autres encore. Nous ne devions jamais juger là par la dénomination à laquelle il appartient. Nous devrions toujours le juger par l'esprit qu'il a. Voyez-vous l'esprit. Molimo. Qu'il soit de la dernière pluie ou de la première pluie. Qu'il soit de la pluie intérieure ou de la pluie extérieure. Ou pas de pluie du tout. Quoi que cela soit. Nous ne devrions jamais le juger par cela. Mais par son esprit. Nous devons discerner les esprits. Observer les intentions de l'homme. Ce qu'il essaye de réaliser. Si l'homme, par un don, peu importe combien ce don est grand. Maintenant, je veux faire comprendre ceci. À l'église ce matin. Bien que dans différentes dénominations, vous êtes quand même ensemble l'église de Dieu vivant. Et voici la chose que je désire vous faire comprendre. Nous ne sommes pas vraiment divisés. Écoutez, nous sommes les pierres qui sont taillées de différentes formes, toutes à la gloire de Dieu. Est-ce que c'est arrivé? De poser dans le cœur, nous ne devons pas être taillés de la même manière. Nous ne pouvons pas tous avoir la même teinture. Aucun de Gautia, Batioko, qui nous est bête, bataille à moins de 250. Awa, partout. Palais est méconnaissable. Nous, nous avons le licala, et nous bizarre. Mais auparavant, tu n'étais pas comme ça. Nous sommes dans la vidéo qui nous. Les super clairs, les déyards clairs, les jaribous, les mécacos, tous ces savons-là sophistiqués, les crèmes, on peut faire un mélange, bétaka. Même si on a un peu, il y a bétaka. Même les hommes féminins qui sont en train de se faire. Et nous, disons, ça sera très beau. Mais qui est-ce que tu veux dire? On filme, on envoie à l'internet. On a basé les gens qui peuvent filmer au temps de nos couleurs. Et puis, à ce moment, moi c'est un mobile. À ce moment, il n'arrive pas à couper. Et puis, il est mis. Fais des choses comme ça. En public. Ah. Ça, ce sont des abominations. On est allé penser comme ma bingo, ma belle, ma belle. Et les gens sont en train d'applaudir. Frère, le feu de Sodome plane encore là. Il va faire pleuvoir l'un de ces gens. Il continue à s'amuser. Nous nous serons protégés, mais pardon, couvrez-nous. Ce sera trop tard. Nous sommes les pierres qui sont taillées de différentes formes. Tout à la gloire de Dieu. Par respect. Mais si l'homme a un don de Dieu, et qu'il essaye d'édifier le corps de Christ, alors peu importe à quoi il appartient, vous ne discernez pas l'homme, vous discernez l'esprit. La vie qui est dans l'homme. Et c'est ce que Dieu nous a dit de faire. Nous n'avons pas reçu une seule fois la mission de discerner le groupe de l'homme. Mais nous avons été contraints et avons reçu de Dieu l'ordre de discerner l'esprit qui est dans l'homme. Et ce qu'il essaye de faire, c'est vers quoi l'esprit dans sa vie essaye de le conduire. Êtes-vous là? C'est ce que nous avons reçu comme devoir. Alors ici, dans les sermons, dans au paragraphe 73, c'est là que nous devons discerner aujourd'hui l'esprit d'un homme. Qu'essaye-t-il de faire? Quel est son but? Pas à quel groupe il appartient. Ou c'est que ceci ou cela, que cela soit un homme noir, un blanc, ou quoi qu'il soit. Regardons ce qu'il cherche à réaliser. Et prenons cela. Voyons ce qu'il essaye de faire pour le royaume de Dieu. Et il a des idées qui nous paraissent étranges. Bon, parfaitement en règle s'il essaie de réaliser quelque chose pour le monde de Dieu. Discerner cela en lui. Mais s'il a tort, et que son cœur est juste, Dieu l'amènera à la vérité de la chose après quelque temps. Comprenez-vous ça? Comme si l'homme a des idées étranges. Vous paraissez vraiment bizarre. Mais si son cœur est juste, même s'il a tort, quand vous l'entendez parler, quand vous le voyez agir, mais si son cœur est juste, Dieu l'amènera à la vérité de la chose après quelque temps. Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille. Voyez ce qu'il essaye de faire. C'est ça le discernement. Il vous est utile pour ne pas avoir des réactions trop enfantines et de comportements rudimentaires. La sagesse. Sachez discerner l'esprit qui est dans l'homme. Quel est son objectif? Qu'est-ce qu'il essaye de réaliser pour le royaume de Dieu? Testez tout ça. Voyez les intentions que l'homme a par rapport à la parole. Discernez correctement. Sachez l'esprit qui est en lui. Est-il de Dieu ou pas de Dieu? Ça va vous aider. Cette sagesse vous manque. Demandez-la à Dieu. Et elle vous a promis que Dieu vous la donne. Voyez-vous de tout votre cœur que chacun de nous s'attelle à avoir cette sagesse. C'est très important. Et des fois, ce discernement devient tellement nécessaire que je me rends compte avec la manière de parler dans l'église de Dieu. Des fois, nous disons certaines choses sans les dire ouvertement. N'est-ce pas vrai? Mais c'est pour soumettre votre discernement à l'épreuve. Voir ce que vous êtes capable de comprendre. Et des fois, c'est pour pousser certains à nous quitter. Et quand il aura quitté, vous verrez que la matière a changé aussi. Mais nous ne vous dirons pas que nous cherchons à éloigner tel. Mais nous disons les choses de manière à ce que certains c'est une marche, c'est une maison de jugement. Croyez-vous que l'église de Dieu est une maison de jugement? La Bible a dit dans 1 Pierre 4 que c'est une maison de jugement. Et il commence par la maison de Dieu. Des fois, on utilise un langage pour juste tamiser le groupe, pour voir les réactions des uns et des autres. C'est la maturité de cette famille. Maintenant, on a donné un devoir. Est-ce que vous ne pensez pas que par votre réponse, vous vous dévoilez aussi vous-même? Vous qui avez accepté de répondre au dévoilement. Et vous aussi qui n'avez pas voulu répondre. Ne voyez-vous pas que par votre attitude, vous vous dévoilez aussi vous-même? Dieu teste son groupe. Il veut développer les qualités dans le ciel. Pour que vous ne soyez pas des faiblards de nuit. Vous devez revêtir des capacités de vie. Et il nous faut être formé pour la bataille. Le combat fait rage. Dieu a besoin de vainqueurs. Il faut être l'un des parents. Tu dis amen? Dieu préfère des fois un vainqueur?